viens d'apprendre la nouvelle. J'arrive pas à réaliser, 10 ans qu'on se connaissait, t'es toujours resté le même. Une peine si profonde que j'arrive plus à penser. J'ai la haine en même temps, mais je peux en vouloir à personne. T'es parti comme ça, et comme les autres sans prévenir. Je sais que c'est injuste, et d'un côté je me dis que c'est la vie. Le compteur monte, les collègues partent à l'appel. J'ai du mal à effacer ton nom, pourtant je sais que tu peux plus répondre. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était un coup de vent. Maintenant j'ai plus que mes souvenirs pour me nourrir de ton vivant. J'ai beau avoir des regrets, même les plus grands du monde. J'ai tout vécu à fond avec toi, maintenant y'a plus que ça qui compte. Si tu m'entends, tu te souviens à Marseille, toutes ces nuits blanches, à refaire le monde, à parler de ce qu'on deviendrait après de passer sur terre. Aujourd'hui tu dois le savoir, c'est d'en bas que je te salue mon frère. Samo, fier d'avoir fait partie de ta vie. Et bien sûr je parle au nom de tes collègues et ta famille. On espère tous que tu reposes en paix. Sache qu'ici personne ne t'a oublié. Samo, on a bobo, bobo, bobo, bobo, bobo. Tu nous as laissé que des bons souvenirs, malgré que tu sois parti trop tôt. Gravé sur ta plaque, 3 juin 2013, t'es parti d'une crise cardiaque. Le constat est sans appel, on te reverra plus jamais debout sur tes deux pattes. Un homme droit qui pouvait se regarder dans un miroir, qui préférait donner que recevoir. Humble, toujours fidèle à soi-même. S'il voyait tomber un proche, n'hésitez pas à tendre la main. Il aimait la vie et la vivait à fond. D'ailleurs dites-moi qui d'entre vous peut oublier son sourire. Il avait son caractère, certes, mais dans le fond c'était de l'or à perte de vue qu'il donnait sans faire de façon. Il bâtissait sa vie pierre après pierre comme l'aurait fait un maçon. Venait tout juste de signer un CDI. De quoi perdre la raison, il a tout fait pour réussir, mais son destin a dit non. Quand je dors, c'est bien ta voix que j'entends et ton visage que je vois. Mais quand j'ouvre les yeux, c'est la réalité qui m'attend. Dès le matin, planté devant moi, me supporte où il me répète cette vérité qui m'atteint. Quand j'ai des flashs dans ma tête, obligé de cacher mes larmes. Et quand je pense à toi, je tourne mon regard vers le ciel en espérant que tu nous vois et que tu veilles sur tes proches. Si t'entends cette voix, alors j'espère qu'elle t'apporte. Samo, fier d'avoir fait partie de ta vie. Et bien sûr, je parle au nom de tes collègues et ta famille. On espère tous que tu reposes en paix. Sache qu'ici personne ne t'a oublié. Samo, on a bobo, bobo, bobo, bobo, bobo. Tu nous as laissé que des bons souvenirs, malgré que tu sois parti trop tôt. Samo, fier d'avoir fait partie de ta vie. Et bien sûr je parle au nom de tes collègues et ta famille. On espère tous que tu reposes en paix. Sache qu'ici personne ne t'a oublié. Samo, on a bobo, bobo, bobo, bobo, bobo. Tu nous as laissé que des bons souvenirs, malgré que tu sois parti trop tôt. Déjà un an que t'es parti. Ici personne t'a oublié. Repose en paix. Que Dieu te garde. On se reverra dans notre monde.